Donc Jean-Pierre Filiu, nous sommes très très heureuses de t'accueillir aujourd'hui dans notre séminaire. Donc il est professeur associé à la science politique ici à Paris depuis 2006 et rattaché à la chaire Moyen-Orient Méditerranée. Alors il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont vous avez sans doute entendu parler. Le dernier s'intitule Les 9 vies d'Al-Qaïda, il est paru en 2009 chez Fayard. Et donc surtout l'ouvrage dont tu vas nous parler aujourd'hui, qui est ici, L'Apocalypse dans l'Islam, qui a reçu le prix Auguste Thierry des Augustin. Augustin Thierry, bien sûr. Thierry des Rendez-vous de Bois, et qui est paru en 2008. Et je dois dire que ce livre a été pour moi un catalyseur. C'est lui qui m'a donné l'idée de former une équipe autour du thème de l'eschatologie, des attentes eschatologiques avec Claudine. Et donc c'est vraiment un très très très très bel ouvrage. Il ouvre plein de portes. Et donc je vous invite à le lire. On a plusieurs étudiants qui nous ont proposé des fiches de lecture sur ce livre. Et également je vous signale un article aussi très intéressant qui est paru dans Current Trends in Islamist Ideology en 2009, c'est ça? Était en ligne. Excuse-moi. Il est en ligne, donc il on est peut le télécharger. Mais j'en ai une copie pour ceux qui s'intéressent et qui s'intitule The Return of Political Mahdism. Voilà.